Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Barbara Carlotti. Un peu plus de minuit, bienvenue à toutes et à tous dans les nuits de France Culture. C'est à une nuit plus rêvée qu'aucune autre que nous vous convions aujourd'hui. Une nuit dont la porte ne peut s'ouvrir qu'avec des clés, clés de sol, de fa ou d'ut, et aussi clés des songes, puisque la musique et le rêve seront les maîtres des heures que nous allons passer ensemble. Une nuit en compagnie de la voix féminine la plus singulière de ce qu'il est convenu d'appeler, faute de mieux, la chanson française. Une voix, plus qu'aucune autre, de notre temps musical hybride. Une voix impossible à piéger dans la multitude des qualificatifs, grave, chaleureuse, douce, fatale, ensorceleuse, sauvage, envoûtante, que l'on chercherait à lui tendre. Une voix qu'il faut renoncer à saisir par des mots, une voix à laquelle il est au contraire recommandé de succomber sans lutter. Les nuits de dérive ont trouvé un miroir. Les mots s'affichent, sans discontinuer. Question-réponse en synergie diffuse. Le monde immatériel a pris le pas sur la réalité. Les nuits de dérive ont trouvé un écho, un choc léger sorti des vases clos. Le lit de nos pensées, le lit japonais. Nos désirs sont dictés par une chaleur exsangue, loi invisible, menace trouble. Il y a deux agents doubles. Barbara Carlotti, bonsoir. Bonsoir Alban. Dans votre nuit rêvée, il y aura de la musique et des musiciens évidemment, du cinéma, de la littérature, la Corse. Et il sera aussi beaucoup question de songes, de rêves. Sommes-nous faits de l'étoffe dont sont faits nos rêves? Êtes-vous faites de l'étoffe dont sont faits vos rêves? Barbara Carlotti. Bien sûr, évidemment, je pense qu'on est tous faits à la fois de ce qu'on est dans la réalité, mais aussi de toutes les projections et imaginaires, en fait, qu'on véhicule avec nous, quoi. Donc forcément, je pense qu'on est fait de l'étoffe dont sont faits nos rêves, comme disait Shakespeare. Nous avons entendu un extrait de Magnétique, un titre qui est aussi celui de l'album sur lequel il figure. Les textes des chansons de l'album sorti en 2018, vous les avez écrits de vos rêves, nourris de vos rêves. Cet album est né de vos rêves. Comment s'y prend-on pour faire naître ces chansons de ces rêves ? Assez simplement, c'est-à-dire que moi je me rappelle très bien j'ai de très bons souvenirs de rêves. Je peux me rappeler de 3 à 4 rêves dans la même nuit. Donc ça me fait une matière vivante très forte au réveil pour à exploiter. Après j'avais lu que Von Vogt, qui est un écrivain de science-fiction, avait une méthode, il avait utilisé une méthode pour écrire ses livres, Le Monde d'Ea notamment, où vraiment il se réveillait toutes les heures et demie en sommeil paradoxal, donc il suivait les cycles du sommeil et il se réveillait pile à la fin du sommeil paradoxal pour pouvoir prélever en fait le plus précisément possible ses souvenirs de rêve. Et il exploitait ça comme ça. Et en fait, ça m'avait fasciné qu'il y ait une méthode aussi précise pour pouvoir le faire, donc je me suis attelée à cette méthode, je me suis enfermée un mois dans une maison en Bretagne et j'ai lu énormément de littérature, j'ai vu des films, enfin, j'ai vraiment essayé d'explorer tout le champ onirique dans la création, mais pas que, aussi dans le champ scientifique. Et donc, évidemment, j'ai vu les cycles du sommeil, comment ça se passait, etc. Et j'ai essayé de faire presque une recherche scientifique, en fait, pour explorer mes rêves. Et c'était assez génial parce que ça marche très très bien. Et bon, alors moi j'étais un bon sujet au départ, donc forcément ça a marché encore mieux que prévu. Et donc voilà, donc toutes les nuits je me réveillais toutes les heures et demie pendant un mois. Et puis soit j'enregistrais sur un dictaphone, soit je notais à la main les souvenirs. Et puis le matin, en fait, je reprenais toutes ces notes et j'essayais de les exploiter, de les étendre pour en faire des chansons, ce qui est encore un autre exercice après tout. Oui, parce que cherchiez-vous et qu'avez-vous trouvé dans cette matière onirique ? Ce que je cherchais, c'était de pas, de ne surtout pas me répéter dans ma manière d'écrire des chansons. Je voulais sortir d'un... Au bout d'un certain nombre d'années, je pense qu'on a ses habitudes de travail et en fait j'avais envie de renouveler ma manière d'approcher simplement la confection de chansons. Donc plutôt que de me mettre sur un instrument de musique, de me mettre au piano ou au synthé comme j'ai l'habitude de faire, ou à la guitare, et puis d'essayer de développer des accords ou de laisser venir un peu les choses comme ça, ou avec une volonté aussi de composition. Je voulais quitter l'idée de la volonté en fait dans le fait de créer, de composer. Et en même temps pareil pour les textes, c'est-à-dire plutôt que de raconter des histoires intimes ou de faire des exercices de langage, puisqu'il y a aussi un peu ça dans les chansons. L'idée, c'était de prélever des choses qui me venaient inconsciemment. Et je trouvais ça intéressant, parce que ça m'obligeait à renouveler un petit peu mon langage, mes idées, finalement, sans plaquer dessus une interprétation ou psychanalytique ou autre, finalement, les rêves sont quand même des idées en fait qui se déploient. Et pour moi, c'était ça, c'est de trouver des nouvelles idées finalement. Et noter vos rêves, c'était quelque chose que vous vous imposiez déjà depuis longtemps ? Je me l'imposais pas, c'est-à-dire que je pense que j'avais une curiosité. Et que cette curiosité, elle est restée intacte depuis mon enfance. Parce que, enfin, c'est comme, pour moi, c'est une forme de cinéma intérieur, simplement. Et j'avais une grande curiosité parce qu'il se passe des choses tout à fait incongrues dans les rêves qui sont amusantes, parfois inquiétantes. Surtout, on a l'habitude d'y voir des signes. Je pense qu'il n'y en a pas forcément. Je pense que c'est plutôt, pour moi, une façon de... En fait, c'est une façon de voir la réalité autrement. Peut-être, alors après, dans mes lectures évidemment scientifiques sur les rêves, je pense que, comme certains scientifiques le disent, qu'en fait, on capte beaucoup d'informations dans la journée, mais qu'on est obligé de faire un tri conscient, sinon on ne peut pas gérer toutes les informations à l'état de veille. Et que dans le sommeil, par contre, il y a beaucoup plus d'informations qui se déploient. Et surtout, on fait des liens, je pense, qui remontent beaucoup plus loin que des souvenirs immédiats. Donc c'est aussi ça ce qui est intéressant finalement d'aller chercher dans les rêves, c'est presque une sorte d'intelligence un peu plus vaste et dans le temps et dans l'espace et qui permet justement de voir les choses différemment en fait. Les textes, c'est une chose, mais la musique, elle, peut-elle se rêver? Peut-elle venir des rêves? Peut-elle être reçue d'un rêve? Bien sûr, j'ai beaucoup rêvé de musique et quand on fait de la musique, on rêve effectivement énormément de musique. Il y a beaucoup de compositeurs qui composent en rêve, en tout cas dont les idées viennent en rêve. De toute façon, je pense que toutes les idées se diffusent en rêve, donc... Les idées peuvent être abstraites, elles peuvent être des images, elles peuvent être des couleurs, des sons, des sensations. C'est la même chose, c'est une sorte de réalité parallèle, finalement. Donc évidemment que les sons se déploient de la même manière dans les songes, même des effets. C'est Philippe Catherine qui me racontait, quand je lui posais des questions sur ses rêves, qui me racontait que lui, il rêve souvent, c'est un rêve d'angoisse terrible. Il avait la tête enfermée dans un ampli et c'était assez difficile à vivre pour lui. Mais du coup, c'est des sensations sonores très intenses qu'on peut aussi vivre en rêve. Moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup rêvé. Je rêve beaucoup, comme je me concentre beaucoup sur la mélodie. Je suis pas une instrumentiste très habile parce que j'ai jamais travaillé un instrument de façon extrêmement précise. J'ai plutôt travaillé des harmonies au clavier, etc. Mais par contre, la mélodie, je pense que c'est comme mon instrument premier, c'est la voix et c'est le chant. Ben, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui, moi, la nuit, je continue à chanter des mélodies et je continue à entendre des mélodies. Et parfois, on s'aperçoit que c'est des mélodies qu'on a déjà entendues et qu'on a agencées différemment. Donc, évidemment, tout ça, je le reçois et j'enregistre très souvent au réveil parce que les souvenirs sont assez fugaces et assez volatiles. Donc... il faut les saisir au moment où ils viennent. Et après, parfois on a des résurgences comme ça dans la journée, des choses qui remontent de ce qu'on a rêvé la nuit. Mais c'est un terreau hyper fertile, je pense, le rêve, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui s'y déploient et auxquelles il faut prêter attention. Vous dites que l'idée de l'album, c'est le rêve partagé. Un rêve peut-il se partager avec quelqu'un d'autre que son psychanalyste? Bien sûr, et je pense qu'il y a plein de rêves qu'il faut... Enfin, en fait, je pense qu'il y a une sociologie des rêves. Maintenant, c'était pas le cas avant. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, j'allais dire. Je sais pas un mot que j'aime beaucoup, mais disons que autant à l'Antiquité, le rêve était une affaire aussi commune. Et dans certaines sociétés d'Amazonie, c'est une affaire commune, le rêve. Je pense que la société rêve et elle rêve... Il y a des tendances de rêve qui se dessinent en fonction de ce qui s'y passe. Donc oui, le rêve. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur les rêves, j'avais un rêve très angoissant qui est resté plein d'années. J'ai découvert que ce rêve, c'était même ce rêve précisément qui avait donné le nom de cauchemar. C'est-à-dire le rêve de on est couché, on se voit en train de dormir, il y a quelqu'un qui arrive, qui se pose sur nous ou qui pose la main ou son corps entier sur nous. C'est dans la littérature, dans la peinture, enfin voilà, le Horla, tout ça. C'est partout en fait. Donc c'est des angoisses qui sont communes à toute l'humanité, mais c'est pas que ça, c'est aussi l'idée de la spiritualité, le fait qu'il y ait des esprits qui pourraient potentiellement venir nous pénétrer la nuit. Il y a beaucoup de choses en fait justement que je trouve hyper intéressantes et qui sont de la communauté quoi. Donc oui, le rêve se partage et plus on le partage et je pense plus on y trouve à la fois des résonances et c'est le monde de l'esprit en fait pour moi qui agit principalement à ce moment-là, donc c'est comme les idées, il faut les partager, oui. C'est donc par le rêve que les auditeurs entreront dans votre nuit, et plus précisément avec une machine à rêve, avec la Dream Machine de Brian Gysin, que nous entendrons au micro de Jean Dève en 1977. Brian Gysin, compagnon de route de William Burroughs, figure de la Beat Generation, artiste pluridisciplinaire, auteur de nombreuses innovations artistiques, dont cette Dream Machine. Comment décrire cette Dream Machine, Barbara Carlotti? Alors c'est très simple, parce que c'est un objet, c'est une œuvre d'art avant tout, et c'est un objet. C'est un cylindre qui est percé de trous, qui est posé sur une platine disque qui tourne à fréquence régulière. Et au centre de ce cylindre, en fait, il y a une ampoule. Ce qui fait que quand ce cylindre tourne, et ben, il y a une lumière qui est émise de façon intermittente, et c'est la première œuvre d'art à regarder les yeux fermés, ce qui est quand même génial, enfin, d'un point de vue artistique et de l'idée, je trouve ça absolument génial, de la part de Brian Gysin. Et en fait, donc on se place assez proche finalement de cet objet, pour pouvoir recevoir la lumière qui va taper en fait sous les paupières fermées. Et là, en fait, se diffusent des images sous l'effet de cette lumière sous les paupières. Le cerveau reconstruit un certain nombre d'images. Mais aussi, ça met en état de légère hypnose, parce que ça correspond aux ondes alpha du cerveau. Et donc, se diffusent des images qui se développent aussi dans l'état dans lequel on est, où on est plus réceptif, je pense aux formes, à la vibration lumineuse. Et en fait, l'œuvre d'art se crée à l'intérieur de nous. C'est ce que je trouve très beau et très poétique dans cette œuvre. Mais est-ce que ça a vraiment quelque chose à voir avec les rêves, avec l'onirisme, cette dream machine ? Oui, oui, totalement. Je pense que quand on a tous fait l'expérience, quand on est petit, de s'endormir et d'avoir comme ça la lumière qui reste comme ça, des impressions, on frotte ses yeux, et puis on a des petites lumières bleues derrière les paupières, et puis ces lumières, en fait, se développent. On y voit d'autres choses, comme quand on regarde dans le noir et qu'on voit des formes mouvantes. Oui, et c'est le début du rêve pour moi, ça. C'est l'idée de la lumière à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur de soi. Et en fait, c'est ce que disait un écrivain que j'aime bien, qui s'appelle Jacques Lucéran, qui était aveugle. Il disait, en fait, c'est le cerveau, c'est nous, en fait, c'est nous qui produisons la lumière que l'on voit. Et je pense qu'il a raison, c'est-à-dire il y a toute une part des choses qu'on capte de l'extérieur, mais même aveugle, en fait, cette lumière persiste à l'intérieur de nous, on est capable de la voir, et on est capable de voir des images, des couleurs, et des tas de choses qui s'animent. Donc, cette œuvre d'art, elle nous met face à ça, et je pense que le rêve, c'est ça, en fait. Le rêve, c'est ce cinéma intérieur qui se déploie à l'intérieur de nous. Vous-même, vous avez donné des concerts, des spectacles, on était même là plus proche de la performance, autour ou avec la Dream Machine, moment de méditation avant lesquels les spectateurs buvaient d'étranges breuvages et où ils étaient invités à fermer les yeux. De quoi s'agissait-il ? Alors, on a avec Charles Carmignac, qui est aussi musicien dans Moriarty, mais qui est aussi maintenant dirige la Fondation Carmignac à Porquerolles, et Gauthier Dupont, qui est à la fois musicien et herboriste. On avait beaucoup parlé à un moment donné, quand je faisais des recherches sur le rêve, on avait beaucoup parlé de cette Dream Machine ensemble, et on s'était dit que s'il fallait recréer quelque chose autour de cette idée de la Dream Machine, il faudrait faire comme une sorte de rituel collectif. Toujours cette idée de partage, de rêve partagé par la communauté. Et ça nous semblait intéressant, en fait, de créer une œuvre dont une œuvre complètement immersive dans laquelle je faisais de la musique. Enfin, j'avais préparé une bande sonore qui aussi agissait, comme la lumière peut agir sur nous avec des ondes particulières qui peuvent aussi agir sur nous et nous mettre dans un état de légère transe ou de légère hypnose. On avait décidé d'en faire un moment collectif. Donc, on a fait fabriquer une très grande Dream Machine avec beaucoup plus de lumière à l'intérieur qu'une seule ampoule et toute une musique qui accompagne comme un processus, comme un rituel en fait, un rituel pour rêver à plusieurs. Et donc évidemment on ferme les yeux devant et je pense que le fait d'être en groupe, c'est un peu comme dans les rituels chamaniques finalement où en fait c'est des formes de thérapie collective finalement. Alors thérapie, c'est un mot peut-être un peu, c'est pas, enfin, pas forcément adapté, mais en tout cas, ça participe d'un rituel collectif qui fait que les énergies de chacun autour de la Dream Machine vont créer, je pense, telle ou telle vision, et que à chaque fois qu'on répète ce rituel, on n'aura pas la même énergie, pas les mêmes visions. Vous glissez dans la peau d'une maîtresse de cérémonie, être une sorte de prêtresse, c'est une situation qui vous plaît ? Oui, en tout cas, ce que j'aime bien, dans cette expérience, dans cette performance particulière, c'est plutôt l'idée d'initiation à autre chose. Et aussi à un temps aussi où, effectivement, on va devenir tous plus réceptifs de ce qui se passe autour de nous et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que moi, j'aime bien, comme moi, j'ai fait beaucoup l'expérience, c'est-à-dire, en fait, si je partage cette expérience, et si j'imagine une œuvre et un processus pour participer à cette expérience, c'est simplement pour partager ce que j'ai moi-même découvert en fait en faisant beaucoup de Dream Machine, en expérimentant beaucoup de choses, parce que j'ai eu des visions merveilleuses, j'ai eu des visions très cosmiques. C'était carrément 2001 Odyssée de l'espace à l'intérieur de moi, et c'était vertigineux. Et je me disais qu'on avait accès au cosmos, on avait accès à certaines visions de l'infiniment grand, c'est des expériences en fait que simplement que j'ai envie de partager. Donc oui, je veux bien être maîtresse de cérémonie dans ce cadre-là. Après, rien de religieux ou alors peut-être on mettra comme meneuse de revue quoi. Oui, ou meneuse de revue, mais ça c'est plutôt l'idée du. C'est toujours l'idée du collectif, je pense, qui me tient, c'est-à-dire vivre des expériences avec les autres. Je pense que c'est très important. Après Brian Gysin, après La Machine à rêve, on ne sortira pas du songe. Peut-être que l'on y sera même davantage avec le quatrième volet d'une série de Chemins de la connaissance consacrée au songe de Polyphile. Depuis sa publication à Venise, au tournant du XVe et XVIe siècle, ce livre mythique, l'un des plus beaux à tous égards, dit-on, de l'histoire du livre et de la littérature, ce livre a fasciné les princes, les lettrés, les architectes et bien des générations de poètes, d'écrivains, de psychanalystes et d'artistes. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir mis ce songe au programme de votre nuit plus qu'aucune autre rêvée? Pour le rêve, toujours, pour l'amour, pour la plongée dans la psyché européenne du XVIe siècle qu'est cet ouvrage, la plus parfaite expression sans doute de l'esthétique de la Renaissance? Alors, c'est Lancelot Hamelin qui justement, lui, travaille beaucoup sur la sociologie des rêves et qui met en scène des spectacles que j'avais, moi, beaucoup aimés. Où il a interrogé toute une population à Nanterre, notamment pendant les élections présidentielles. Et après, il restituait les rêves de la population, donc c'était assez intéressant. Et c'est Lancelot, en fait, qui un jour m'a appelé en me parlant de ce livre. Comme on travaille sur des domaines un peu communs, voilà, on avait beaucoup de choses à se raconter. Quand j'ai découvert le songe de Polyphile, Hypnerotomachia Polyphilia, qui est déjà un nom absolument bizarre, crypté... mystérieux, c'est pour moi c'est déjà quelque chose en soi. C'était déjà quelque chose en soi. Et effectivement, combat d'amour en songe, j'aimais beaucoup ça. Oui, parce que c'était le titre littéral latin de ce livre. Voilà. Mmh. Et en fait, Poly, c'est une histoire d'amour, donc c'est quelqu'un. On ne sait pas qui vraiment a écrit ce livre. C'est aussi tout ce mystère. Je pense c'est comme si on voulait mener une enquête avec, en fait, finalement, ce livre. On a besoin de le décrypter. Je pense que c'est aussi ça qui me fascinait. En fait, Polia, c'est le nom de la femme dont le protagoniste est amoureux. Polia, c'est aussi toutes les choses. En fait, Polia, c'est l'idée d'une curiosité infinie du monde. Et je pense que ce livre, c'est ça, en fait. C'est des descriptions et des descriptions et des descriptions. C'est quelqu'un qui s'endort et puis qui va essayer de retrouver cet amour dans ses songes, etc. Mais il décrit absolument tout ce qu'il voit autour de lui. Donc ça touche à la fois l'architecture, la nature. Enfin, c'est une somme de connaissances immense. C'est comme une encyclopédie, quoi. Et je suis fascinée par ça, en fait. Je suis fascinée par l'idée qu'on peut toujours connaître plus, qu'on peut toujours découvrir plus de choses. On peut le faire donc en rêve. C'est la preuve, ce livre, qu'on peut le faire en rêve, ou en tout cas, c'est un rêve de le faire. Je pense que pour moi, il y a ça. Il y a toujours une immense curiosité qui régit à peu près tout ce que j'ai envie de faire, en fait, de me dire, ah tiens, je savais même pas que cette plante existait, ou je savais pas que, voilà, qu'on pouvait... Et puis, cette idée de l'amour aussi, effectivement, ouais, je pense que tout... En fait... Je pense que l'amour, c'est aussi une curiosité infinie de l'autre. Et donc, toutes ces idées dans le songe de Polyphile me plaisent. Et puis, c'est un livre illustré. C'est un livre codé. Enfin, il y a plein d'entrées qui rendent ce livre fascinant. Donc, peut-être que la Renaissance, c'était un moment privilégié de la connaissance, sans doute. C'est aussi un ouvrage qui a passionné, mobilisé les ésotéristes de tout genre, jusqu'aux amoureux les plus farfelus de l'occultisme. Votre intérêt pour le songe de Polyphile viendrait-il chez vous d'un certain penchant pour l'ésotérisme ? Totalement. Bien sûr. Non, mais de toute façon, dès qu'on commence à s'intéresser à l'invisible, on est forcément tout proche d'Alan Kardec et de ses amis. Donc après, il y a toujours deux tendances, c'est-à-dire une tendance extrêmement cartésienne qui ne croit que ce qu'elle voit, mais en même temps, comme on voit beaucoup de choses en songe, ça laisse le doute. Et après, je pense qu'effectivement, en tout cas Magnétique, mon album, je l'ai appelé Magnétique parce qu'il s'agit des ondes magnétiques. Alors c'était aussi un hommage au champ magnétique des surréalistes, mais eux-mêmes étaient, je pense, sensibles à cette idée de l'invisible. D'ailleurs, ils se sont beaucoup inspirés des pratiques spirites aussi pour l'écriture automatique, etc. Enfin, tout ça est un grand domaine, effectivement, d'exploration des forces invisibles. Et oui, ça m'intéresse beaucoup, ça me rend curieuse et puis ça m'amuse, en fait, aussi, parce que dans le cinéma, dans la littérature, il y a tellement de choses merveilleuses qui essayent d'explorer ce monde, mais c'est toujours le monde des esprits d'une certaine manière. La doyente d'aspettava tutta allegra al balcone quando vide lo cavallo danzare sopra l'arcione con la sella sanguinosa e la brilla stascinone. Poi venendo bello bonte apparì una fumacciola. Tremblant nous attendîmes. Le défilé fut long. Les spectres essayèrent de s'approcher du mur pour nous passer derrière et nous entourer. Mais nous nous y appuyâmes de toutes nos forces et leur montrâmes en même temps la pointe de nos stylets. Alors, courbant la tête, ils prirent le milieu de la route. Quelques-uns des morts quittèrent leur rang et vinrent nous offrir des objets qu'il nous fut impossible de reconnaître, couverts qu'ils étaient d'un morceau de linceul. Nous restâmes insensibles à leurs offres. D'autres nous présentèrent le cierge allumé qu'ils tenaient à la main. Nous refusâmes, et lorsqu'ils étaient trop pressants, nous les regardions en face, serrant les dents et montrant bien droite la pointe de nos stylets. Enfin, ils nous laissèrent tranquilles. Bien nous en prit, car ils n'avaient que des cadavres d'enfants à nous donner. Et les cierges qu'ils tenaient n'étaient que des ossements. Cette rencontre était pour nous de mauvais présages. Seulement, nous veillâmes jusqu'au chant du coq. Si nous nous fussions laissés surprendre par le sommeil, malheur à nous, quelques-uns des morts qui se tenaient en embuscade nous auraient infailliblement assommés. Enfin, le coq chanta et tout péril avait disparu. Le lendemain, mourut Jacques-Marie Ortoli. En Corse, les matsirs sont des gens qui peuvent prédire la mort. Ils se dédoublent la nuit, ils partent en chasse. Alors, est-ce qu'ils partent en chasse en rêve ou est-ce que c'est leur double qui va chasser ? Toujours est-il qu'ils s'éloignent du village, se postent dans le maquis, auprès d'une rivière, toujours auprès d'un point d'eau, et là ils abattent une bête sauvage. La plupart du temps, il s'agit d'un sanglier. Une fois que la bête est abattue, il la retourne et sur la hure du sanglier vient s'inscrire le visage de quelqu'un du village. Cette personne mourra dans 3 jours ou dans 1 an. Nous venons d'entendre Lucie Desideri dans une des nuits magnétiques de la série de 1979 de Liliane Abinsour et Laurent Danon-Boileau, intitulée Le troisième œil. Barbara Carlotti, le mazérisme, à ne pas confondre avec le mesmérisme. Le mazérisme, moi j'en ai eu connaissance assez tardivement finalement. Dans ma famille en Corse, on m'en avait pas vraiment parlé. Mais quand j'ai fait mes recherches sur les rêves, j'ai rencontré un guérisseur dans le village voisin de celui de mon père et qui m'a parlé de son fils qui avait, pendant l'adolescence, eu beaucoup de visions comme ça. Et qu'au début, il croyait fou, qu'il était voir des spécialistes et puis qu'au bout d'un moment, il avait compris qu'en fait, tout ça existait réellement. Et en tout cas, qu'il fallait y porter crédit. Et en plus, c'était dans... Voilà, ça correspondait à des croyances fortes très très corses, très anciennes. Mazérisme, oui, en fait, c'est, je pense, voilà, c'est l'idée qu'on peut voir l'avenir en songe, mais pas que ça, c'est aussi prévoir effectivement, enfin, c'est plutôt prévoir les catastrophes. Après, en Corse, il y a aussi tout un imaginaire avec les shtregs et les sorcières. Il y a en fait un chamanisme en Corse, précisément en Corse, qui est un vrai chamanisme comme on a en Mongolie, comme on a dans l'Amazonie, etc. Donc c'est assez rare en fait dans les régions françaises. Il y a beaucoup de guérisseurs, etc. Mais le chamanisme, c'est quelque chose de très particulier. Là, ça advient en songe et c'est ce qui m'intéressait. Le mesmérisme, c'est encore autre chose, mais je pense que tout simplement, pour moi, c'est effectivement les forces de l'invisible, comment on les accueille, qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et je pense que Mesmer, il avait des très bonnes intuitions sur le magnétisme. Et quand il a écrit toutes ces choses sur le magnétisme animal, on n'avait pas les moyens techniques de mesurer le magnétisme terrestre comme on le mesure aujourd'hui, ou même celui du cerveau. Moi, j'avais fait mon atelier de création radiophonique sur le laboratoire onirique. J'avais rencontré des chercheurs à l'INSERM. Ils m'avaient très nettement dit, on trimballe toute notre vie un champ magnétique autour de notre tête. Et j'avais trouvé ça à la fois poétique, mais très intéressant aussi. En fait, tout ce qui est sur cette planète quand même conduit des forces magnétiques, ce qui est toujours une sorte de mystère absolu. Et moi, je porte assez fort crédit à tout ça. Après, la façon dont Mesmer a développé cette idée de façon extrêmement scientifique, et personne ne l'a entendu parce que c'était le siècle des Lumières, et pareil, il fallait encore voir pour y croire. Aujourd'hui, on a quand même, il y a quand même beaucoup de médecins qui travaillent avec des magnétiseurs et on soigne des pathologies mentales avec du magnétisme, etc. Enfin, tout ça a beaucoup évolué. Je pense que ça existe réellement aujourd'hui. On peut se dire ça. Après, la façon de, je pense qu'il y a des êtres aussi. Enfin, il y a des personnes qui reçoivent, qui ont un champ de réception au réel différent de. Voilà, on est plus ou moins borné, j'allais dire, mais c'est peut-être un terme un peu brutal. Mais en tout cas, on a une façon d'appréhender la réalité. Je m'intéresse beaucoup, par exemple, à Caroline Sombrin, qui elle, est passée d'une façon de fonctionner très cartésienne, avec une expérience chamanique en Mongolie, qui est devenue elle-même chamane. C'est très intéressant, son discours est génial, c'est-à-dire, elle travaille aussi avec des scientifiques, mais on peut percevoir beaucoup plus de choses de la réalité. Il suffit d'être ouvert, il y a des moyens de trouver ces ouvertures. Et ça passe par la musique, très souvent. En tout cas, elle, ça passe par le son des tambours, mais ça peut passer par la lumière. Je pense que la Dream Machine, c'est aussi ça. Je veux dire, Burroughs, les visions qu'il a, il passait des jours entiers, il passait parfois 2 heures de Dream Machine avant d'écrire. Je pense que ça le mettait dans un état très particulier de réceptivité mentale, voilà, aux choses. Les informations nous traversent, comme je le disais, on fait une sélection. Je pense que voilà, pour moi, c'est des ouvertures de réception de la réalité, quoi. Barbara Carlotti, sortirons-nous totalement d'une forme d'onirisme avec l'archive qui suivra celle consacrée aux songes de Polyphile, avec les paysages, les territoires dans lesquels nous transporte Philippe Vasset, que nous entendrons à propos de son 7e roman, La Conjuration, en 2013? Je pense pas. En fait, moi, je pense que justement, cette idée d'errance, comme il y a dans le livre La Conjuration de Philippe Vasset, c'est aussi quelque chose d'extrêmement onirique. C'est une façon d'appréhender la ville justement de manière intérieure et rêver de faire que la ville, qu'on devient la ville quand on la pénètre. Le fait d'aller dans ces zones blanches qui ont été ensuite réinvesties par l'urbanisme. Et justement, en fait, je trouve que aujourd'hui, en tout cas, moi, si Mon album, c'est une sorte d'appel au rêve. C'est aussi parce qu'on essaye de combler tous les espaces. On essaye de combler tout le temps ce qu'il y a, les espaces vides, et par des informations, on placarde beaucoup de choses. On est gavé en fait d'informations, et il y a peu d'espace pour justement pour cette échappée un peu à la fois mentale et enfin, une liberté, en fait, simplement. Et donc, je pense que le livre de Philippe, c'est ça, en fait. C'est de se dire que tout est... Enfin, moi, ce que j'adore, la conjuration, c'est que ce qu'il veut conjurer, en fait, c'est une forme de distinction entre ce qui est public et privé. Ce qu'on peut... On peut aller jusqu'à tel immeuble et on peut pas le traverser. Alors qu'en fait, il y a quelque chose un peu de l'ordre du fantôme, c'est-à-dire d'arriver à passer d'un endroit à un autre, etc. Et ce qui me fascine aussi, c'est que il y a aussi, enfin, dans la conjuration, il y a aussi cette idée de monter des sectes et de religions, en fait, qui plein de religions qui pourraient se créer un peu comme on crée des entreprises aujourd'hui. Il y a un manque de spiritualité. Je pense que voilà, son roman, il va dans ces zones-là, quoi. Il va dans les zones libres, il va dans la nécessité aussi de penser le monde un peu différemment, de le voir différemment et de le traverser différemment. De vous, et plus précisément de votre voix, Philippe Vasset écrit « Une voix que l'on dirait d'eau, tour à tour claire et troublée, vive ou presque dormante, totalement hypnotique. » Entendez-vous, reconnaissez-vous votre voix dans les mots de Philippe Vasset, Barbara Carlotti? Alors, comme je vais te demander, Je ne vais pas mentir aux auditeurs, je lui ai demandé un texte parce que je l'ai rencontré à un festival et j'ai lu, d'un seul coup, j'ai lu Une vie en l'air, La légende et La conjuration et vraiment j'ai adoré ces livres. En plus, ils sont pleins d'humour, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont très contemporaines et qui me font très rire, vraiment beaucoup rire. Voilà, donc quand je lui ai demandé ce texte, j'étais un peu timide, mais je pense que c'est très difficile de décrire une voix. Et j'aime bien cette idée de d'eau dormante, un peu mouvante et d'hypnotisme. Après, c'est de toute façon, moi, j'entendrai jamais ma voix comme les autres l'entendent. En fait, on n'entend pas notre vision intérieure de notre propre voix. En fait, on l'entend résonner à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec, je pense, la manière dont elle se diffuse. Voilà, oui. Et puis, ce qui me plaît, c'est cette idée d'hypnose par la voix, ouais, bien sûr. Si votre voix était matière, comme certaines sont de rocaille, de cristal ou de velours, de quoi serait-elle faite ? Bah, elle est mouvante. Hein. Je pense que la voix, on peut vraiment influer dessus, quoi. Je sais que j'ai eu la chance d'hériter d'une voix assez grave. Et dans ma famille, on a toutes un peu les mêmes voix. D'ailleurs, on confond ma mère, moi, ma sœur, etc. Je pense que voilà, il y a une facture, mais ça dépend de la taille des cordes vocales. Enfin, il y a des raisons techniques en fait à une voix, donc. Je sais pas, je pense qu'elle peut devenir extrêmement stridente si besoin, mais elle est plutôt caressante parce que je pense que l'idée en tout cas pour moi c'est pas de crier quand j'ai un message à faire passer, c'est plutôt le contraire en fait. Je pense que plus on est sobre et plus on laisse résonner une voix dans ce qu'elle a de plus naturel, et en tout cas moi c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime infiniment chez les chanteurs brésiliens. Comme Caetano Veloso, par exemple, ou tous les chanteurs, ou Tom Jobim, enfin tous les chanteurs de Bossa Nova aussi, ils ont en fait, ils ont vraiment cette simplicité extrême et cette douceur dans la voix que j'adore. Pour moi, une voix, ça doit rester. Alors après, j'adore l'opéra aussi, hein, mais c'est pas du tout les mêmes techniques. Mais je pense que c'est dans la sobriété que les messages passent le mieux. Vigina ao mar não consolo. Quando me meto a pensar, me digo sempre cosa voglio. Fra mesa questa umanità, ma so che passa lontano, un battello che va qua là. Mandile in mano, chiamo in vano, e guatello si ne va. Un battello che passa, piano piano qua là. Poi dopo si sfasa. Que vient-on d'entendre Barbara Carlotti? On vient d'entendre une chanson corse que j'adore, des années 60, de Antoine Chiosi, qui est un chanteur corse, qui continue d'ailleurs à faire des concerts aujourd'hui, on peut toujours l'entendre. Un battello che passa. J'adore cette chanson, en fait, c'est cette idée de nostalgie. D'ailleurs, il appelle la Corse Cyrnos, comme on l'appelait dans l'Antiquité. Et c'est cette idée d'être loin de sa terre natale et de voir des bateaux qui passent et d'être désespéré parce qu'on peut pas partir rejoindre les siens. Et il y a comme dans toutes, il y a un petit goût d'Italie en même temps dans cette chanson, dans la façon dont elle est écrite. Mais il y a aussi, enfin, de musique italienne des années 60. Mais il y a aussi toute une mélancolie que je trouve très corse en fait, qui a beaucoup dans la musique corse, dans les chansons corses, mais aussi dans les padiels, enfin. Dans toute une voilà, dans cette espèce de, je sais pas, c'est la saudade corse, je pense. Vous venez tout juste d'enregistrer des reprises de chansons corses pour un prochain album. De quoi s'agit-il pour vous, d'un retour aux sources, d'une volonté d'explorer vos racines corses? En fait, j'avais de nostalgie. Alors je sais pas d'où vient cette nostalgie. Peut-être. Non, il me semble que, en fait, c'est venu parce que j'ai réalisé mon premier film qui est une comédie musicale qui se passe en Corse. Et en fait, ça part de ma chanson 14 ans et on faisait le mur pour aller en boîte avec ma sœur et ma cousine. Et donc, ça raconte un peu cet épisode un peu initiatique de mon adolescence. Et en effet, moi, ce que j'écoutais en Corse à l'époque, c'était non seulement j'ai découvert toute la new wave, en fait, ou la synth-pop des années, alors de la fin des années 80, mais on écoutait un peu plus tard. J'ai découvert par exemple Joy Division ou Bauhaus, ou... que l'on entendra tout d'ailleurs dans cette nuit. Ouais. En tout cas, beaucoup de groupes, Depeche Mode, qui étaient beaucoup plus connus à l'époque, etc. Ou Soft Cell, par exemple, que j'ai vraiment découvert en boîte de nuit, sur lesquels j'ai beaucoup dansé. J'ai découvert toute cette musique-là, mais j'avais aussi les balles de village, en fait. Et dans les balles de village, il y avait des tangos, il y avait des tangos corses, il y avait de la musique corse, et on allait voir des chanteurs corses, etc. Et pour moi, je pense que mes épiphanies musicales, je les ai vraiment eues en Corse. Et donc, dans mon film, je rends hommage à la synth-pop. Mais j'ai voulu aller plus loin. Et donc, je me suis dit qu'il fallait aussi que je rende hommage à toute cette musique que je continue à écouter d'ailleurs aujourd'hui. Qui est toute une chanson corse des années 30, c'est-à-dire de Tino Rossi jusqu'à Pierre Gambini qui fait à la fois de l'électro, mais voilà, en Corse. Et il y a beaucoup de musiciens corses, en fait. C'est quand même un territoire de musiciens où on chante des padiels dans les cafés, des polyphonies dans les cafés le soir. Il y a de la musique partout, beaucoup plus que, en tout cas, moi, ce que j'ai connu en banlieue parisienne par ailleurs. Donc, je voulais rendre hommage un peu à ça. Donc, il y a des berceuses, il y a des chansons proprement corses, voilà, de chanteurs corses. Il y a des chansons aussi en français, comme celle de Tino Rossi, mais Tino Rossi chante en français en Corse. Et puis il y a d'autres chanteurs, voilà, où aussi moi j'avais envie de les chanter en français. Moi, on m'a jamais enseigné le corse. Je comprends un peu parce que à force évidemment d'y passer du temps et puis d'écouter des chansons, on a envie de comprendre de quoi il s'agit, mais j'aime la sonorité de cette langue, en fait, et j'aime vraiment sa musique. Et donc voilà, je voulais rendre un hommage absolument complet, musical, tout à fait complet. Et puis c'est toujours un plaisir, je trouve, de faire des reprises. Et on est obligé de rentrer dans le détail des choses qu'on connaît de façon assez vague, en fait. Des choses qu'on entend comme ça, et puis qu'on susurre, mais en fait, on sait pas comment elles sont faites. Là, ça me permet de vraiment aller dans le détail des harmonies, des mélodies et de voir aussi pourquoi je les aime, en fait, finalement. Après le rêve des premières archives, donc, ce sera un retour à la réalité corse, loin des clichés, des idées reçues et des selfies de vacances. Nous entendrons Jean-Louis Fabiani à propos de son livre « Sociologie corse » au micro de Sylvain Bourmeaud en 2018. Corse du continent, vous avez grandi en banlieue parisienne, mais Corse tout de même. La lecture de ce livre vous a-t-elle néanmoins aidé, Barbara Carlotti, à éclaircir, à mettre des mots, à mieux comprendre les problèmes qui se posent à la Corse depuis en gros un demi-siècle ? Beaucoup, ouais, beaucoup. Mais parce que je pense qu'on a une vision un peu fantasmée aussi quand on est un peu de l'extérieur. Après, ma sœur Laetitia Carlotti, qui est aussi artiste, elle vit là-bas et elle est très en prise, elle. Donc moi, je discute beaucoup avec elle de tout ça et en tout cas, des problèmes peut-être qu'elle a en tant que femme et artiste sur cette île, mais elle a pas que des problèmes aussi. Elle a beaucoup de... Je pense que si elle a été vivre là-bas, c'est qu'elle avait beaucoup de satisfaction à y travailler aussi et à produire des œuvres. En tout cas, pour elle, c'est un moteur assez important. Elle a fait des œuvres magnifiques qui sont... Alors, elle dit que c'est pas du land art, mais en tout cas, c'est de l'art dans la nature, en tout cas. Donc, à des dimensions très importantes. Et c'est vrai que moi, ça me permet... Enfin, j'ai un dialogue avec elle que, voilà, que j'avais pas avant, justement, sur ce territoire. Où moi, j'ai une attache qui est presque tellurique, j'allais dire. C'est au-delà du territorial ou au-delà de la nature. Il y a vraiment quelque chose où je me sens... en fait, j'ai une énergie très particulière quand je suis là-bas. C'est vraiment un des endroits que... Enfin, c'est l'endroit que je préfère au monde. Et dans lequel j'ai vraiment des sensations et des expériences assez extraordinaires, justement, dans cette nature. Je pense que c'est mon lien à la nature a été fondé là-dedans. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi un territoire très culturel, c'est-à-dire on parlait de la musique. Moi, ce que j'ai adoré dans le livre de Fabiani, c'était que il me racontait en fait l'histoire de la chanson corse telle que je la connaissais pas. J'avais toujours entendu ces chansons indépendantistes qui sont géniales, et Cantao Popolo Corse et Tiama Dialesi, tous ces groupes que j'ai entendus toute mon enfance. Et je me disais, c'est quand même étrange qu'elle ait des sonorités d'Amérique du Sud, cette musique. Puis j'ai compris, en fait, en lisant son livre, bah, qu'il y avait eu un vrai mélange culturel au moment où il y avait tous ces mouvements indépendantistes corse, et que dans les références, on avait refondé finalement le folklore corse avec des chansons politiques, Che Guevara, avec l'image de Che Guevara et tous ces trucs-là. Enfin, pour moi, je savais pas à quel point comment tout ça était advenu. Donc ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus claire en fait, plus loin du fantasme, mais plutôt dans l'histoire et des raisons aussi pour lesquelles comment la culture corse s'était développée, de Tino Rossi qui fait plutôt une chanson italienne et marseillaise d'ailleurs, parce qu'il travaille avec Scotto qui est plutôt marseillais, et ils prennent des références italiennes aussi pour arranger ses chansons, jusqu'à cette chanson. Qui est plus d'inspiration comme ça d'Amérique du Sud. Et c'est, en fait, c'est ces brassages culturels qui sont hyper intéressants. Donc pour moi, ça m'a permis effectivement de comprendre un peu mieux aussi les mouvements indépendantistes, cette soif de reconnaissance aussi, cette île, l'idée d'être sur une île aussi. Alors on a tous des sensations très particulières à la fois de plénitude quand on est là-bas, et d'enfermement ou le contraire. Enfin voilà, de l'idée de aussi que les Corses ont voyagé partout dans le monde parce qu'ils sont sur une île, et que très souvent ils ont dû partir chercher du travail ailleurs. Tout ça, je trouve que c'est vraiment passionnant, et je pense que ça constitue, c'est un peu comme l'histoire du mazérisme. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit à mon père, mais enfin, pourquoi j'étais pas au courant. Mais je pense que si j'y suis aussi sensible, je pense que c'est parce qu'en fait, on nous le transmet quand même. C'est-à-dire, dans tout ce que moi j'ai vécu en Corse, par mes grands-parents, avec mes cousins, etc. On reçoit aussi tout cet héritage, et au bout d'un moment, il c'est bien de le rendre un peu plus conscient. Sociologie Corse, ce livre donc de Jean-Louis Fabiani, le conseilleriez-vous à quelqu'un qui aurait la volonté de mieux comprendre la réalité sociale et politique de la Corse aujourd'hui ? Aimeriez-vous d'ailleurs que les estivants amoureux de la Corse, que les touristes s'intéressent un peu plus, un peu mieux à la réalité et à l'histoire de la Corse ? Ah, je pense que c'est essentiel. Je pense qu'on ne peut pas. En fait, il y a beaucoup de clichés. Il y a des clichés extrêmement sympathiques d'ailleurs sur les Corses. En tout cas, moi. Il y a le fameux tango corse qui a été chanté par Fernandel, que c'est une chanson que j'aime beaucoup, cette idée que on aime faire la sieste, etc. Bon, c'est aussi l'idée qu'on est un peu flemmard et tout, mais peu importe, en fait, il y a aussi un humour corse qui se déploie, par exemple, dans cette chanson que j'apprécie particulièrement. Donc, il y a plein de clichés qu'il faut un peu déconstruire, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un peu pénible. Et puis surtout, je pense que surtout aujourd'hui, en fait, tout contrairement, enfin, un peu comme d'ailleurs dans les livres de Philippe Bassett, tout est accessible, tout territoire est accessible, en fait, en tout cas, toute culture est accessible par Internet, etc. De désenclaver cette île de ce qu'on a fait d'elle aussi, peut-être d'une forme de dureté. De brutalité aussi qu'on lui colle à la peau. Je pense qu'il y a une réalité sociale et politique qui est très différente en Corse, effectivement, d'autres régions en France. Mais il y a aussi de l'indépendantisme en Bretagne. Il y en a aussi dans le Sud-Ouest. Il y en a un peu partout. Enfin, il y en a dans d'autres régions. C'est pas vécu de la même manière, bizarrement. Et en fait, c'est bien de savoir de quoi on parle vraiment aussi. Et la Corse a une histoire très particulière. Elle a été italienne, elle a été revendue. Enfin, c'est un territoire étrange, en fait. Mais qui reste un peu étranger à la France, je trouve. Un peu plus étranger que les autres régions, en fait. Et je pense qu'en fait, elle a beaucoup essayé d'être française, cette Corse. Et de faire partie de la France. Elle a jamais été vraiment... reconnue comme telle, alors qu'en fait, je pense que c'est un territoire qui est aussi très français par ailleurs, quoi. Vous pourriez, comme le fait notamment Jacques Dutronc depuis longtemps, passer la majeure partie de votre temps en Corse? Moi, j'ai autant besoin de cette nature-là et de cet environnement-là et de faire des descentes de rivière pendant 5 heures et de marcher dans la montagne, etc. J'ai autant besoin de ça que d'être dans la ville, dans une urbanité beaucoup plus imposante, etc. Donc je sais pas. En tout cas, oui, j'ai besoin d'y aller de toute façon très régulièrement pour y faire des choses. Et d'ailleurs, j'ai fait des émissions de télé là-bas. J'ai fait plein de choses en fait aussi qui faisaient que j'ai travaillé avec plein de gens géniaux en Corse, à Ajaccio. Avec Paul Rognoni, qui est un producteur qui fait plein d'émissions de musique, etc. Enfin voilà, avec tout un groupe d'amis aussi qui font des choses hyper intéressantes. En fait, il y a plein de moyens d'aller en Corse. Mais bon, de toute façon, je pense que le métier de chanteuse, d'auteur-compositeur, c'est aussi un métier où on bouge beaucoup. On va montrer ses chansons un peu partout. C'est peut-être aussi un petit côté corse aussi, le fait de tout le temps partir et puis de revenir tout le temps chez soi, quoi. Merci Barbara Carlotti. Nous allons écouter les archives de la première partie de Votre Nuit Rêvée. Dans un instant, la Dream Machine, le 4e des entretiens avec Brian Gysin au micro de Jean Dev en 1977. Le 4e temps de la série de Chemin de la connaissance que Jacqueline Kellen consacrait aux songes de Polyphile en 1994. Philippe Vasset pour son roman La Conjuration dans les bonnes feuilles d'Augustin Trapenard et Sandrine Trenner en 2013. Sociologica Corsica avec Jean-Louis Fabiani dans La suite dans les idées de Sylvain Bourmeau en 2018. Et enfin, Bauhaus, le 7e documentaire d'été de la série Musique hybride New Wave Enfants Mutants, proposé par Jean Couturier en 1976. Nous nous retrouverons dans 2h30 pour parler de la suite de votre programme. A tout à l'heure, Barbara Carlotti. A tout à l'heure.